Seize et décidé, demain j'arrête la cigarette. Ça me rend malade, ça donne le cancer à ce qui paraît. Et à ce qui paraît, je finirai en maison d'arrêt. Moi j'ai peur des barreaux, donc il faut que j'arrête. Il faut que je t'explique, tu me dis que je suis dans l'excès. Non, je suis pas complexe, ferme n'est pas dans mon lexique. J'ai des beaux gros dingari, dis-moi comment je peux m'égarer. Je suis à la tête du Figaro, un peu comme Hélène Ségara. Tu as deux doigts de péter l'éponge, je suis pas du genre à jeter l'éponge ou me jeter d'un bon compte de témoin de moi jeter. On se croit dans GT, Dragon Ball GT. Au fond d'un casse, foudre de merde, un peu comme GT. Oh. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, oh. J'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Ok, demain j'arrête les douilles, j'arrête de claquer le double. J'arrête de voir cette fille sur qui j'ai toujours eu des doutes. J'arrête les nuits debout, il faut que j'arrête les films de boules. Et de partir en couille à chaque défaite de Liverpool. La rue quand tu les pousses, c'est comme la corde sous la poutre. Putain t'as juré à ta daronne, demain t'arrêter la poudre. T'as les pontes et t'as les poufs, t'as les tombées, t'as les gouffres. T'as les contres et t'as les pour et t'as les tours. J'tourne les choses à mon avantage, j'pars en couille donc ne m'attends pas. On est pris dans le papier, pris dans le quartier, pris dans les attentats. J'aime la chute et les matins calmes, langue de pute non ne m'attends pas. Hey Jazzy, tu le sais très bien que la prod ne t'appartient pas. Hey. Et pour laisser une trace, j'ai pris des risques cash. En RSA ou RS4, demain j'arrête le taf. Pour que les blacks règnent, non pas pour que les chattes m'aiment. J'arrête l'alcool, le Polyakov, j'arrête le Jack Miel. J'pense à nos paradis négros, j'pense à nos cœurs à vif. À Kurt Cobain qui se dit normal, demain j'arrête la vie. Demain j'arrête les flots magiques, désormais j'me fais rare. J'ai déjà sorti trop de classiques, demain j'arrête le rap. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, oh. J'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais. Arrêtez, j'ai dit j'arrêtais.